24-14. Activation orale et écrite. Communication téléphonique. Écoutez Mireille qui répond au téléphone, puis répondez aux questions suivantes. Écrivez vos réponses. Vous entendrez le texte deux fois. Hey, zut. Allô? Oui? Ah ben, c'est ton mal. Je suis en retard pour mon cours. Non, c'est vraiment pas le temps. Je te rappelle ce soir, ok? Ciao. Allô? Oui? Ah ben c'est ton mal. Je suis en retard pour mon cours. Non, c'est vraiment pas le temps. Je te rappelle ce soir, ok? Ciao.